Chapitre 9, la fosse au loup. Bien des jours et bien des années ont passé depuis lors, et pourtant mon cœur bat au retentissement de ce premier pas que le hasard me fit faire dans ma vie d'aventure. Qu'on me permette de parler un peu de moi, car ma figure et ma tournure jouèrent un certain rôle dans les événements qui vont suivre. J'ai dit mon âge, j'allais avoir 21 ans. Élevé chez un gentilhomme paysan, je ne pense pas que mes manières fussent très raffinées, et cependant il y avait une sorte de grandeur dans le sang-gêne de Monsieur Le Bihan, et ma cousine Viviane aurait lutté de grâce avec n'importe quelle petite princesse. Ceci est peut-être le miracle de la naissance. J'y crois peu, mais au fond de tout préjugé, il y a un atome de vérité. J'étais de bonne taille, pas trop grand, et très mince, contre la coutume du pays breton. J'entends mince de ceinture et d'attache, car mes bras et mes jambes auraient servi de modèle à un artiste. J'avais des cheveux blonds qui bouclaient légèrement. Vivette aimait à poser sa tête tout contre la mienne devant le miroir, pour sourire à l'effet charmant que produisait l'opposition de nos chevelures. J'avais comme elle le teint très blanc, malgré mes campagnes de chasseur et mes nuits passées à la grande pêche sur le banc de la baleine au large de l'île de Groix. Monsieur le recteur de Guidel prétendait qu'il fallait prononcer le banc de la Bélène à cause du dieu Bélénus, appelé ailleurs Baal, qui avait un temple à Groix et un petit sanctuaire sur la roche Grognonne. Ma moustache naissait, plus brune que mes cheveux, où jamais la poudre n'avait mis son outrage. Et sous ce duvet transparent, ma bouche fit plus d'une fois envie aux belles dames de la cour du roi Louis XV le bien-aimé. Ceci n'est pas un portrait de souvenir. J'ai sous les yeux, en écrivant un pastel, frotté en 1774 par mon vieil ami Maurice Quentin de la Tour, et qui me montre à moi-même tel que j'étais 2 ans après mon arrivée à Paris. J'avais le nez grec, s'il vous plaît, mais un peu retroussé, 2 fossettes au coin des lèvres et les yeux humides. « La 13e barrique !» me disait souvent mon oncle Le Bihan. « Si tu étais seulement un brin de demoiselle, calotte à papa !» C'eût été dommage, car je coupais en deux une hirondelle au vol à belle rase, et de la rue, le maître en fait d'armes me cita longtemps comme le meilleur poignet à brette qui fut dans le ressort de son académie. Avec cela une belle voix, sonore et profonde, qui vibrait à hauteur de cœur, un appétit de jeune loup et une santé d'acier. Revenons au paysage druidique de la forêt de Rennes. C'était un entonnoir presque régulier, au fond duquel dormait un étang rond et noir, qui ressemblait au cratère d'un volcan. Les bords en étaient nus, sauf en un seul endroit, où des glaïeuls énormes et des iris formaient une touffe verte qui jaillissait d'un lit de nénuphar. Du côté par où j'arrivais, la rampe circulaire était couverte par la plus belle futaie que j'ai admirée en ma vie. Les chênes moutonnaient à perte de vue, si également venus qu'on eût dit un colossal gazon. Mais la futaie ne tenait que la moitié de l'entonnoir. Le reste était formé de roches superposées avec une sorte de régularité dans leur chaos et dont quelques-unes, retenues par une force inconnue, pendaient menaçant le vide. Toute cette portion de la rampe était dénudée. C'est à peine si quelques broussailles croissaient dans les fissures de la pierre. Mais au sommet, autour d'une formation granitique carrée, où le hasard avait taillé des apparences de beffrois et de donjons, un semis de maigres bouleaux faisait couronne, surmonté par 3 êtres d'une gigantesque venue. À l'extrême sommet de ce bloc, qu'on appelait le château Breck, un hôtel celtique se dressait, montrant le ciel entre sa table et les 3 menhirs qui lui servaient de pied. En bas, et en avant des derniers chênes de la futaie, d'autres monuments du culte des Gaëls étaient épars sur le sol aride et sec, malgré le voisinage de l'étang. Leur ensemble se trouvait encadré dans un reste d'enceinte formé par des palis d'ardoises, aboutés à plat et couchés en long. Le ciel s'était couvert depuis 1 heure. Des nuages orageux, passant au galop, jetaient au fond de la fosse au loup un jour roussâtre, dont la nuance changeait à chaque instant. Car c'était bien la fosse au loup, et la solitude habituelle de ce cul-de-sac sauvage se montrait aujourd'hui abondamment fréquentée. Parmi tous ceux que j'avais vus tourner le coude de la grande route, personne ne manquait. Le chemin par où j'arrivais était, en effet, le seul qui conduisit au vivier Breck. Pour s'en retourner, tous ceux qui étaient ici, acteurs ou spectateurs, devaient reprendre fidèlement la même voie. J'ai employé ces mots « acteurs » et « spectateurs » parce que la première idée qui me vint fut celle de quelques cérémonies religieuses ou théâtrales. Mon oncle Le Billon m'avait raconté bien des fois l'histoire d'une solennelle assemblée ou parlement convoquée par ses soins à la fosse aux loups de Kéramour auprès de l'oreille de mer. C'était du temps où la Bretagne attendait la fameuse armada du cardinal Alberoni et la grande armée des cousins de la mouche à miel, levée par madame la duchesse du Maine. Mon oncle Le Billon était de la conspiration, non point dans l'intérêt des bâtards de Louis XIV, mais dans son propre intérêt à lui, monsieur Le Billon de Polduc, et pour faire valoir ses droits à la couronne de Bretagne. Il vint au parlement de la paroisse de Guidel plus de 400 paires de sabots, de bondrilles, dont chacun eût avalé le régent de France comme une huître. Seulement, on ne s'entendit pas bien au sujet de la succession au trône. Il y avait là au moins 12 pots de bique qui avaient des droits aussi incontestables que ceux de monsieur Le Billon. De plus, les uns voulaient, après la victoire, mettre la capitale du monde civilisé à Languidic, les autres à Landerneau, les plus sages à Quimper. On se battit à coups d'épée, à coups de fourche, à coups de poing aussi, et mon oncle pocha les deux yeux de monsieur de Quérambardouille, son compétiteur le plus sérieux à la couronne ducale. Ce fut ma seconde idée, la politique. Comme il y avait pour le moins une douzaine de demi-messieurs dans l'enceinte sacrée, marqués par les palis et que, séparés par un respectueux intervalle, 100 à 150 pauvres gens de la forêt faisaient cercle autour d'eux, je me dis « voilà l'état-major et voici l'armée ». Mes réflexions durèrent peu. En dehors de toute préméditation de ma part, mon entrée au sein de cette réunion mystérieuse, à laquelle je n'étais point convoqué, eut lieu d'une façon remarquablement brusque. J'ai dit que la sente descendait presque à pic. J'ai dit aussi que mon vieux taupin n'était pas ferré de neuf. Ses quatre pieds manquèrent à la fois dès le commencement de la pente, et il s'accroupit avec une admirable présence d'esprit sur ses jarrets pour se laisser glisser jusqu'en bas. Cela fit grand effet. Il y eut un long murmure parmi le menu peuple, composé de sabotiers, de charbonniers, de bûcherons et de paysans. Je pus entendre ces mots 20 fois prononcés. « Le v'là, par ma face élue !» Et la noblesse des peaux de bique, admise à l'honneur de l'enceinte, s'agita, parla tout bas, gesticula, gronda. J'étais le centre de tous les regards. Les regards exprimaient tout autre chose que de la bienveillance. Je n'avais pas froid aux yeux, non. Cependant, une circonstance me frappa. L'accident qui m'abattait comme un paquet en bas de la rampe était ridicule en lui-même. Et personne ne riait. Pourquoi ? Je relevais Taupin qui n'avait point de mal et je mis pied à terre, assez embarrassé de ma contenance et me demandant comment j'allais me conduire. Je regrettais un peu d'être venu. J'étais seul de mon bord. L'hostilité de cette foule qui m'entourait n'avait rien d'équivoque. Et, en définitive, qu'avais-je à faire ici ? La pensée d'essayer une retraite honorable, pendant qu'il en était temps encore, naquit en moi. Mais, quand je regardais derrière moi, je vis que ma route était déjà coupée. Au sommet de la rampe, juste à l'endroit où les quatre pieds de Taupin avaient manqué, il y avait une dizaine de gars dont l'un portait une trompe de chasse en bandoulière. Parmi les autres, je reconnus mes deux patours, mon ramasseur de bois mort et deux ou trois des passants qui m'avaient croisé sur le chemin en disant « Bonjour notre maître, et chez vous ?» Évidemment, il n'y avait plus qu'à faire contre fortune bon cœur. Les bidets de la noblesse étaient tous attachés aux arbres voisins de l'enceinte. Je choisis un gros chêne qui pouvait au moins me servir d'ado en cas de bagarre. Et j'y attachai Taupin, qui, plus heureux que son maître et libre de toute préoccupation, se mit aussitôt à brouter. Les peaux de bique tenaient conseil. Je voyais s'agiter leur chapeau orné de la branchette de prunelier. Derrière le grand dolmen qui occupait le centre de l'enceinte, une trompe éclata, lançant trois mots espacés largement. Il y avait donc là des gens que je ne pouvais point voir. Dans plusieurs directions, les lointains de la forêt renvoyèrent les trois sons de trompe. Tout cela était-il pour moi ? Il me semblait entendre des mouvements dans les broussailles. « Pour ce coup-là, dit une voix qui me sembla tout près de moi, les messieurs tiennent bon le Judas, je ne mens pas. Et ils ne le manqueront point, sûr et vrai, répliqua une autre voix. Son affaire est claire. Je tirai de mes fontes les pistolets de Monsieur Merlin et je les passai ostensiblement à ma ceinture. »